Bienvenue aux amateurs de rock progressif, notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous écoutez Rock de Neurones et je suis Jimmy Farley et je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, nous allons entendre Jethro Tull, Rick Miller du Canada. Nous aurons Nuovo Raccomandata con Risse Vuta di Ritorno, ça c'est un groupe italien. On a Bernard and Porsti de Finlande, The Ancestry Program d'Allemagne, This Winter Machine avec une nouveauté, ce groupe il nous vient de l'Angleterre. On aura Monnaie de Singe de France, Combination Head d'Angleterre, Psychotic Waltz des États-Unis. Et le quatrième segment de l'émission, mais il est consacré cette semaine au prog de l'année 1984 avec Osiris du Bahreïn, Tok Tok, King Crimson et Marillion, tous les trois d'Angleterre. Alors pour débuter cette semaine, je vous propose un extrait du nouvel album de Jethro Tull. L'album s'intitule The Zealot Gene et c'est le 33e album du groupe en carrière. C'est un album qui contient 12 chansons pour une durée totale de 47 minutes. Et la pièce que j'ai choisie, bien, c'est la troisième et elle s'intitule Mine in the Mountain. On va poursuivre avec une nouveauté du Canadien Rick Miller, qui lui est un habitué à l'émission. À chaque fois qu'il y a un nouvel album qui sort, on en fait jouer. Et celui-ci, Old Souls, c'est le 16e album studio. Et je vous propose la pièce Don Quixote. Et pour terminer, on y va avec le groupe italien, le Nuovo Raccomandata con Risse Vuta di Ritorno, et la pièce Eagle Mountain, tirée de leur album Il Pittore Volente. Ça, c'est paru en 2010. Alors, sans plus attendre, voici la nouveauté très attendue de Jethro Tull. Mine is the power and mine is the glory. Mine is the mountain up which you tread. Give me bold question, give me good reason. Tell me you love me, fear all I have said. Don't imitate me, don't forsake me. In images silver, in idols of gold. Don't make me jealous, don't make me angry. Don't ever leave me out in the cold. Precious jewels and your finery. Build me safe haven, the tablets of stone, to live through the ages, to scold and to guide you. Threaten, cajole you, and cut to the bone. I'm no pushover lamb, no gentle provider. Pensions, retribution are my middle names. I can make a cadaver of your women, your firstborn, with a snap of a finger of salt and of flame. Thank you. bring something softer, gentle in word and gentle in deed. But you who ignore these things that are written will define the story your children will read. Bring all your pomp, precious jewels and your finery. Safe haven for tablets of stone, to live through the ages, to scold and to guide you, threaten, cajole you, and cut to the bone. So think of me fondly, in spite of the raging, the ranting, the raving, the threatening tone. For I am the Father, the power and the glory, and now for God's sake, kindly leave me alone. Thank you. Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind. Thank you. C'era una strana atmosfera. senza sole. Sabbia bianca e fina che affogava in quell'aria grigia e calda. Silenzio. Il giorno dopo fe si risvegliava di lui. Ma l'aria era tersa, uscimmo all'aperto, accesi il motore, il giorno avrebbe fatto a meno di lui. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle qu'avant la pause, vous avez entendu la formation italienne La Nuova Raccomandata con Risse Tu va di ritorno, et ça a été précédé du Canadien Rick Miller et de la nouveauté de Jethro Tull. Pour le deuxième segment de l'émission, je vous propose trois nouveautés. On va débuter avec le duo Bernard & Porsti de Finlande, qui, je le rappelle, font aussi partie de la formation de Samurai of Prague. Mais en duo, on leur connaît trois albums studio, dont le plus récent, Robinson Crusoe. Et ça, c'est paru à la fin 2021. Et j'en ai extrait la pièce « The Island of Despair ». Ce sera suivi de la formation allemande The Ancestry Program, et eux aussi nous offrent un nouvel album en 2021. Il s'intitule Mystecity Ambassadors Part 1. Ça, c'est leur deuxième en carrière, et vous allez entendre la pièce Ghosty Ghost. Et ensuite, on aura deux pièces tirées du nouvel album Kites de la formation britannique This Winter Machine. Mais auparavant, voici Bernard and Porsti. Hello, je suis Marc Bernard du groupe Bernard & Porsti. Êtes-vous écouté Rock des Neurones sur les ondes de CFU, les FM de Trois-Rivières? I'm going down, I'm going. said, no prisoners made, and jumped into the fire. Had set the clock for 7, saying, here we go. Out in the street, no people meet. A ghost has struck this town. Turns his eyes to heaven, says, here we come. The angels of the rescue squad took a look into man's heart, found the red-haired puppies. Here we are, here we are. So full of pride, once full of steam, little grounding underneath. They took the elevator. Here we go, here we go, here we go. Since the time, there's no void in between us. If you cross that line where the image of a brave and new child is born, your accolade is absolute, so don't get torn between the haters and a lover of the Second World War. Keepsake symphony. Just wait. Let us wait. closing doors. summer sun. I've been dreaming since that day began. Holding back and holding on, watching silently and calm. It's more than we can see. Like a physical desire. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Ceux qui veulent retracer le libellé des pièces là, qui sont diffusées durant l'émission Rock de Neuron, mais je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neuron parce que vous allez y trouver toute l'information concernant justement les pièces qui sont diffusées pendant les 2 heures que dure l'émission. Et plus précisément, il y a les titres et la durée des pièces, le nom des albums et des artistes, puis leur pays d'origine aussi. Alors, encore une fois, mais si vous vous référez à cette information-là, mais ça vous évite de prendre des notes durant que la musique joue. Alors, on continue en musique avec, pour le troisième segment de l'émission, bien, je vous suggère une nouveauté de la formation française Monnaie de Singe. Ça, c'est un groupe qui a 6 albums studio à son actif depuis 1995. Et le plus récent, mais s'intitule The Story of Rose Ola Sex. Je vous fais un petit extrait ici de ce que j'ai lu sur Internet, sur le site Prog Critique. Bien, cet album-là traite de Rose, là, une mère célibataire qui, après avoir perdu son fils, est persuadée d'être liée par un pacte diabolique, devient meurtrière puis internée. Alors, l'album tourne autour de ça et ça contient 7 chansons pour une durée totale de 46 minutes. Et la pièce que j'ai choisie, bien, c'est « From Utoya ». Ça sera suivi de la formation britannique Combination Head, avec un extrait de l'album homonyme paru en 2006. Et ensuite, on va conclure avec Psychotic Waltz. Ça, c'est un groupe des États-Unis qui a fait paraître en 2020 The God-Shaped Void, leur 5e album en carrière. Mais auparavant, on y va avec Monnaie de Singe. Je rappelle que c'est interprété de façon merveilleuse par Anne Gayle. Hello, je suis Anne Gayle du groupe Monnaie de Singe et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Thank you. à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ce qu'on a entendu avant la pause, c'est le groupe américain de Psychotic Waltz, et ça avait été précédé de la formation britannique Combination Head, et on avait débuté le bloc avec Monnaie de singe de France. Maintenant, comme mentionné en introduction d'émission, le quatrième segment d'une demi-heure, au d'aujourd'hui, ben, c'est consacré à l'année 1984, et on va entendre Osiris du Bahreïn avec un extrait de leur deuxième album Myths and Legends. Ce sera suivi de Talk Talk, The King Crimson et de Marillion. Alors bonne écoute du prog de 1984. Thank you. Thank you.

Just like a grease-paint mask. Alors, vous venez d'entendre quatre extraits de rock progressif de l'année 1984 avec, entre autres, Marillion et la pièce Incubus, ça c'est tiré de Fugazi. Ça a été précédé de King Crimson et la pièce titre de l'album Three of a Perfect Pair. Et ça a été précédé de Tomorrow Started de Talk Talk. Et on avait débuté avec Osiris du Bahreïn et un extrait de l'album Myth and Legends. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Et pour y accéder, bien, vous n'avez qu'à taper « Rock de Neurone » dans la barre de recherche. Si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces et les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de « Rock de Neurone ». Cette page contient aussi un lien qui vous amènera à plus de 200 quelques émissions archivées. Et j'en profite aussi pour mentionner que je publie gratuitement une infolettre hebdomadaire qui recense les meilleurs albums de l'année en cours, en plus de faire la liste de tous les albums à venir. J'ai inclus aussi la liste de tous les spectacles qui s'en viennent, en plus de vous donner la feuille de route de chacune des émissions. Alors, tous ceux qui souhaitent la recevoir n'ont qu'à me le faire savoir en privé sur la page Facebook de Rock de Neurone, en n'oubliant pas de me fournir une adresse courriel si possible. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite la semaine prochaine pour un prochain